Il est 13h30, vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante. Merci d'écouter nos programmes. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Voici les signaux de télémesure reçus du laboratoire spatial pour études et analyses ultérieures. Cette semaine, de l'année géophysique internationale. Je m'appelle Ed Snowden, j'ai 29 ans. À une chasse à l'homme internationale. Le big data, avant les ordinateurs, c'est une longue histoire. Big data et whistleblower. Le silicium écrase parfois le neurone. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, il manquera 200 000 data scientists. Il y a une volonté de rendre ces données publiques. Si Turmoil décide que votre navigation est suspecte, il transmet l'info à Turbine, qui redirige votre requête vers les serveurs de la NSA. Début mai, je vais lire ce manuscrit chez l'agent. Le 15 mai, je suis cambriolé chez moi. Et voilà le résultat. Le tout en moins de 686 millisecondes. Et complètement à votre insu. Nous ne sommes pas économes de questions complexes, nous allons en rajouter une autre à ce débat qui réunit autour de la table deux historiens des sciences, Elena Aronova et Bernard Reva, en compagnie de, pour la partie de l'interprétation et de la traduction, de Coralie Tripier. Il semble que les big data contiennent une règle essentielle qui est appelée la règle des 3 V, V comme volume, V comme vitesse, V comme variété. Ces V-là devenant évidemment des V qui doivent correspondre à d'autres mots anglais. Vous nous les donnerez, Elena Aronova ou Bernard Reva. Mais je voudrais évidemment rajouter mon V personnel. Est-on au travers des big data en train de pister ou de chercher à attraper la vérité? Je vais me permettre de passer par une métaphore indienne que j'avais entendue dans la bouche de Jean-Claude Carrière. Il parlait de 4 aveugles réunis autour d'un éléphant. Et l'un disait, un éléphant, c'est... Il touchait la trompe. Voilà, c'est une sorte de long tuyau qui bouge un peu, qui est... Un autre aveugle, qui se trouvait à côté de la patte arrière, gauche ou droite, comme vous voulez, disait « un éléphant, c'est une grosse colonne ». Le troisième des aveugles, qui touchait l'oreille de l'éléphant, répond aux deux autres, mais pas du tout. Enfin, un éléphant, c'est une chose très légère, un peu qui bouge par le vent, qui remue, pendant que le quatrième disait « Mais pour vos amis, vous vous trompez complètement, un éléphant, c'est un contact minéral pointu à son bout, je ne vois pas la couleur, mais je peux me l'imaginer, il est peut-être d'une couleur claire. » Vous l'avez parfaitement compris, et il y aurait eu 18 aveugles autour de l'éléphant, les aveugles auraient tous donné leur définition de l'éléphant. Cette métaphore rappelait pour dire voilà longtemps que l'on pense que la vérité, c'est peut-être l'addition des points de vue. Ou alors, selon un titre pirandellien, à chacun sa vérité. Il n'y aura pas, d'une certaine manière, peut-être de dialogue possible ou de fin à tout cela. Est-ce que ce nouveau chapitre des big data, qui consiste à réunir le maximum de données concernant un événement, un objet que l'on tente de cerner, en essayant d'additionner ces 3 V, volume, vitesse et variété, sont la quête moderne de la vérité. Je vous avais prévenu, c'est pas des questions simples. Qui se lance en premier? Je vois Bernard Reva qui désigne du doigt lâchement Elena Aronova pour qu'elle se lance en premier dans la réponse. Bon courage, à vous de jouer. C'est une question difficile. Si j'ai bien compris, il y a deux parties à cette question. Une première plus simple, c'est la suivante. Est-ce que les big data sont définis par ces 3 V, volume, vitesse, variété? La deuxième question, plus philosophique, c'est une question bien plus large au sujet de cet éléphant. J'y reviendrai après. La première question, en tant qu'historienne, est bien plus simple à répondre. Et c'est notre travail que de nous pencher sur ces nouveaux phénomènes. Nous parlons maintenant depuis un bon moment des données. J'ai parlé de la diversité des données que l'on a retrouvées lors de l'année internationale de la géophysique au cours des années 1950. Il faut savoir que ce volume, cette avalanche, ce déluge de données, ça a toujours été l'obsession des historiens naturalistes. Going back to early modern times. Moi, j'ai trouvé une autre définition. D'après moi, ce volume, c'est le cadre de référence des données. Sans volume, il n'y a pas de données. Mais les big data, c'est bien plus complexe que ces 3V, car cette définition oublie complètement les connotations politiques et éthiques du phénomène. Nous avons notamment parlé des questions de vie privée. Lorsque l'on parle de ce phénomène complexe, on parle en fait de notre vie. Nous avons tous des smartphones que nous regardons constamment, nous avons accès à toutes les informations en permanence. Et donc réduire ce phénomène si important à 3 éléments tels que volume, vitesse, variété, pour moi, c'est beaucoup trop simple. Donc ma grande critique serait celle-ci, on oublie complètement les connotations politiques et éthiques. Eh bien, venons-en maintenant aux éléphants, Elena Aronova. Actually, I'm curious what Bernard would say. So I will pass that to him. Ça c'est ce qu'on appelle. Il doit y avoir un nom ça en football ou en. On vient de vous balancer une patate chaude, mon cher Bernard Reva, assez redoutable. Alors voilà, les quatre aveugles autour de l'éléphant, ils ont chacun donné une vision, une interprétation. Est-ce que le souci de réunir l'ensemble des données pour analyser, comprendre un phénomène, quand bien même on accepte en faisant cela de se laisser submerger par la masse des données, c'est le souci de traquer de toutes les manières la vérité, ou plutôt d'être absolument persuadé que c'est en passant par là qu'on finira par l'obtenir. Je pense que la perception interne à la science, et par là je veux dire la façon dont on conçoit une question telle que celle que vous venez poser lorsqu'on est en train de faire une expérience, je pense qu'elle est, inversée. Je pense qu'il y a un regard scientifique. Je mets plein de disclaimers, comme on dit en anglais, dans ce que je suis en train de décrire. C'est des guillemets. Des guillemets, pardon, ouais. Sur ce que je suis en train de décrire. Moi, je verrais plutôt une perception normalisée et un univers extrêmement diversifié autour. Donc autrement dit, un observateur et beaucoup d'éléphants autour, des grands, des petits. Mais un des mythes scientifiques, là je parle d'un mythe, et j'en parle de façon très positive, parce que je pense qu'il a été nécessaire à la construction de la science telle qu'elle est. Ce mythe a été remis en question après par les historiens, les sociologues des sciences, qui ont dit, mais en fait, il n'y a pas une vision unifiée de la science, il y a une vision disciplinaire, institutionnelle, qui dépend des contextes historiques, etc. Mais je pense que cette vision unifiée, elle est importante pour se penser en tant que scientifique. C'est-à-dire, quelque part, on doit penser que d'autres scientifiques, dans les mêmes conditions, feraient les mêmes mesures. C'est assez fondamental. Donc du coup, on n'a pas 5 aveugles et un éléphant, mais je dirais, on a un borgne, et puis un monde extrêmement complexe autour d'eux. Et je reviens sur l'exemple que je donnais sur ce satellite qui observe des phénomènes dans le domaine haute énergie. Les flashs gamma. C'est un borgne, parce qu'il est borgne, parce qu'il ne sait même pas où il regarde. Hein. Il avait une vision isotrope, il n'avait même pas à dire s'il regardait l'Union soviétique ou l'espace. C'est un borgne, et en fait, il reçoit quelque chose, et ça lui prend beaucoup de temps pour donner du sens à ce qu'il a observé. Voilà, donc pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est plutôt le borgne et un monde extrêmement complexe, fascinant, qui nous amène des informations dans une grande variété. Je rebondis sur le V, de variété, diversité d'informations qui sont des diversités liées à la géométrie, au contexte, aux gammes d'énergie, et qui se traduisent par des formats de données différents. Et donc du coup, ce que le scientifique cherche à faire, c'est à normaliser les protocoles de mesure, normaliser les données pour permettre à d'autres de les utiliser. Et l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est un borgne qui se sait quand même borgne, vu qu'au moment où il reçoit ces informations, il prend quand même le temps de les analyser. Il envisage la possibilité que ce soit des essais nucléaires. Mais apparemment, je suis pas du tout un expert de cette histoire, mais apparemment, on a eu suffisamment d'alarmes pour que rien de sérieux ne soit engagé. Donc le borgne se savait borgne. Voilà, et ça, c'est quand même un point important des sciences telles qu'elles existent aujourd'hui. Une chose est de se savoir, une autre chose est de le dire. Je veux essayer ici d'introduire un nouveau chapitre. Les données sont pas données. Je reprends là une de vos formules, Bernard Revard. Rendons à César ce qui est à César. Les données ne sont pas données. Tout ça, c'est quand même des sommes monétaires à investir, ne serait-ce que parce qu'il faut, il faut de l'argent. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu, peut-être, avez-vous quelques indications là-dessus? Qu'on ait un peu le paysage économique de ce que c'est que le big data. Est-ce que le big data est gourmand d'argent? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire énormément d'investissements pour obtenir ces big data? Et quelle est votre appréciation de cette grosse absorption d'argent? Sachant d'un côté, Bernard Revard, que vous venez de dire... Il y a des borgnes là-dedans, et puis Elena Aronova qui disent « Oui, mais tant que c'est pas encadré un peu plus sérieusement par le politique et l'éthique, on laisse promener dans l'espace un curieux instrument, un curieux appareil. » Alors, qui des deux veut bien répondre sur cet aspect économique? Est-ce que le big data, ça coûte « is very expensive or not, dear Elena ?» Okay, let me try to connect your elephant question via Fares investment. Sure. Bien, donc je vais essayer de répondre à votre question en liant cette idée, cette métaphore sur l'éléphant avec la question que vous avez posée au sujet de l'investissement, de l'économie des big data. Je vais reprendre cette métaphore de l'éléphant telle que transformée un petit peu par Bernard, c'est-à-dire qu'on imagine un observateur avec plusieurs éléphants autour. D'après moi, souvent, ce que l'on fait, c'est que l'on va discerner différentes parties de l'éléphant et ensuite en tirer des conclusions. Par exemple, en nous basant sur la trompe ou sur la texture de la peau ou sur la queue, etc. Et ensuite, et c'est là que j'ai un problème avec cette mode des big data, c'est que l'on prétend que l'étude de la trompe nous suffit à dire « Ah, voilà à quoi ressemble un éléphant ». Il faut nous montrer plus réaliste, plus raisonnable dans l'étude de ces données. Pour en revenir à l'économie, cette mode autour des big data est d'après moi comparable à la création du big science et à l'émergence du big science dans les années 1950, ainsi que au cirque médiatique qu'il y a eu autour de cette big science, même si à l'époque, la big science était déjà plus clairement définie que les big data actuellement. On peut faire des comparaisons dans l'histoire et tirer des leçons de cette époque des années 60 lors de l'émergence de la Big Science, qui a suscité des sentiments partagés. On avait de grandes équipes, cela coûtait cher, des fonds publics qui étaient alloués, et on avait des projets très médiatisés, comme le projet Manhattan ou le CERN, qui sont des exemples parfaits de Big Science. Donc d'après moi, on doit tirer des leçons historiques de ces projets dans les années 50 afin de prendre des décisions éclairées concernant l'investissement qu'il faut faire dans ces projets de big data. Thank you. dernier chapitre de notre discussion et de notre entretien en compagnie d'Elena Renova, Bernard Reva, tous deux historiens des sciences, et Coralie Tripier, que je vais introduire par, je pense, une phrase que j'ai été récupérée du côté de Woody Allen. En tout cas, si ce n'est pas lui, ce pourrait. Même un paranoïa a de vrais ennemis. Et je voudrais, à partir de cette phrase-là, vous inciter à nous donner votre réponse sur la dimension sécuritaire que recouvrent également ces questions de Big Data. On l'a vu au travers de la guerre froide, en effet, la politique a été très à côté, très, très voisine de la science, l'épaulant, la soutenant, la finançant, ceci à des fins stratégiques. Aujourd'hui, il a été question, notamment lors des attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris, de remettre en question, en France, la pratique policière. Je rappelle pour mémoire que, dans l'histoire récente des services de police, il a été fait le choix suivant. Les enquêteurs de terrain qui appartenaient à tel service étaient désormais regroupés dans un service plus large qui faisait beaucoup plus de la collecte de données. Et à la suite des attentats, ce choix politique a été critiqué comme une preuve que sans présence sur le terrain et malgré toute la sophistication de la donnée, il y avait à un moment des trous, disons, des angles morts. Il semble que désormais, au travers par exemple d'Europol, l'on se dirige vers une société, une organisation de société, une société notamment européenne qui tente d'endiguer les menaces extérieures, de passer par le croisement des informations, la multiplication des données. Vous n'êtes pas spécialiste des questions sécuritaires, mais votre réflexion d'historien des sciences peut peut-être nous aider à réfléchir et à penser à ce type de choix. Aller chercher des réponses sur ces questions-là du côté des big data, parce qu'elles ont pu être efficaces dans tel ou tel domaine scientifique, et les appliquer, faire du copier-coller dans un tout autre domaine, vous paraît-il, Elena Renova ou Bernard Reva, extrêmement rationnel? Et auriez-vous, de ce point de vue-là, un quelconque avis? Alors, peut-être à la fois de spécialiste, et puis aussi, il n'y a pas de raison de s'en priver, de citoyen. Qu'est-ce que l'un et l'autre pensent de cela? Qui veut commencer? Elena Renova, Bernard Reva? Alors, comme vous l'avez dit, je ne suis absolument pas un expert des données utilisées dans le domaine de la sécurité, ou de l'information utilisée dans le domaine de la sécurité. Mais ce que je constate qui est transversal au domaine de l'utilisation scientifique des données et de l'utilisation sécuritaire, c'est un espèce de mythe du côté indolore de la donnée, ou du côté éthéré de la donnée. Donc avec deux aspects. Le premier aspect, c'est que elle est... Je prends la métaphore de l'éther pour rebondir sur ce... Pour utiliser ce concept par analogie avec le concept physique du 19e siècle, dès qu'il est partout, il s'est émissé partout, et d'un autre côté, il est absolument léger, il n'a pas de souvenir du contexte dans lequel il a été établi, et contrairement à ce qu'on nous apprend en histoire et en philosophie des sciences, c'est que la donnée, elle porte la trace de l'instrument, elle porte la philosophie qui a encadré la prise de mesure. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on voit apparaître une façon de présenter les données sécuritaires qui sont détachées de leur contexte, le contexte dans lequel ces données ont été prises. Et je fais ici référence à l'idée du géoréférencement des données sécuritaires. Donc géoréférencement, ce sont ces cartes que les entités publiques mettent à votre disposition. Vous en trouvez par exemple chaque canton en Suisse en a maintenant, dans laquelle on superpose à la fois des informations du cadastre, des informations liées à la circulation, des informations liées à la propriété des bâtiments, au plan de zone, etc. Et puis vous avez maintenant l'apparition de couches sécuritaires. Donc la première remarque que je fais, c'est que y a une possibilité aujourd'hui d'amener ces informations sécuritaires sur d'autres couches d'informations qui sont gérées par les fonds publics. Ici, on rejoint une idée très intéressante qui est apparue aux États-Unis dans le domaine de la criminologie dans les années 70 et qui est appliquée dans les années 80. C'est l'idée du géoréférencement de la criminalité. Autrement dit, que ce ne sont pas nécessairement les personnes elles-mêmes, leur histoire, leur sociologie, leur situation économique, qui sont la cause de la criminalité, mais ce sont les lieux eux-mêmes qui seraient criminogènes ou pas, ou plus ou moins. Et typiquement, ce genre d'approche n'a pu être faite que à partir d'un traitement statistique des données lié au géoréférencement. Et ça, ce sont des approches extrêmement typiques de tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le web, comme traçage de votre position et de vos activités. Et ce sont des choses qui ont d'abord été appliquées dans le domaine de la criminologie, avec ce concept que je trouve, quant à moi, très intéressant. C'est que, je ne vais pas dire qu'il soit vrai ou faux, mais c'est un concept que je trouve intéressant, c'est le fait que le lieu lui-même inciterait à la criminalité, plutôt que ce que dirait le sens commun, vos origines socio-économiques ou autres. Et donc ça, c'est typiquement une théorie qui a été après appliquée à Chicago avec apparemment beaucoup de succès, et qui reposait sur le fait que c'était les lieux eux-mêmes qu'il fallait traiter, et ça serait reposé sur des analyses statistiques. Donc voilà. Donc je vois deux aspects. Donc ça, c'est le premier aspect, utilisation de données avec un exemple dans le domaine de la criminalité. Et puis l'autre aspect, c'est ce mythe de l'aspect complètement léger, gratuit, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur y a-t-il un coût dans le big data. Donc on a l'impression aujourd'hui que ces données sont gratuites, mais on le sait que l'information va coûter de l'énergie, les systèmes vont, pour les analyser, on n'en a pas encore parlé, les systèmes d'intelligence artificielle vont coûter des frais en développement, en software, mais on a une impression comme ça de non-matérialité de la donnée, et je pense que c'est très intéressant parce que c'est un aspect de la science, ou de la façon dont la science se perçoit elle-même, cette dématérialité des données, qui, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, ne sont absolument pas données, il faut aller les chercher. Au-delà de cette question du renseignement, on pourrait peut-être, Elena Aronova, s'interroger aussi sur le big data. Est-il un investissement sûr? Doit-on miser sur le big data? Un chercheur, Michael Jordan, qui est professeur d'informatique à l'université de Berkeley depuis 1998, n'exclut pas un hiver du big data, un moment où le big data peut-être aura quelques difficultés. Le battage médiatique autour des possibilités excitantes de l'analyse du big data est trop important. Les attentes actuelles dépassent de loin la réalité de ce que l'on peut obtenir. Le problème est que lorsque de telles attentes ne sont pas remplies tout de suite, la déception engendrée peut jeter un discrédit sur l'ensemble même du secteur, en oubliant que dans toute entreprise humaine, certains problèmes complexes prennent plusieurs années, sinon des décennies à être résolus. Nous allons certainement, poursuit Michael Jordan, connaître des retours de bâton sur certains projets. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y en a déjà eu à deux reprises dans les années 80 et 2000. Si l'impression perçue est que le secteur du big data a échoué, les conséquences vont devenir très réelles. Il sera difficile d'obtenir des financements pour poursuivre les recherches ou même démarrer de nouvelles entreprises. C'est un cercle vicieux, dit Michael Jordan. Les big data coûtent beaucoup d'argent. C'est ce qu'a rappelé Bernard Reva. Il ne faut pas écarter la dimension économique. Mais si elles échouent, trouver de l'argent sera très difficile pour pouvoir les faire vivre et qu'elles puissent répondre peut-être à une nouvelle analyse scientifique. Alors, réponse d'Elena Aronova. En tant qu'historienne, ma réponse va se baser sur mes propres recherches, ma propre perspective historique. Je vais vous donner quelques exemples. En entendant cette citation, on a parlé du cercle vicieux et des espoirs que les médias suscitaient au sujet des big data. Cela me rappelle, une fois de plus, on en a parlé, cela me rappelle les aspirations que l'on nourrissait à l'époque sur les microfilms. Les microfilms, en effet, catalysaient tous les espoirs selon lesquels la technologie allait transformer la pratique de la gestion des données à l'avenir. Et cela est lié aux conséquences économiques. Il y a eu énormément de financements par les économies de la guerre froide qui ont été alloués à ces projets de création de machines. Certaines de ces machines n'ont pas fonctionné et certaines n'ont même pas été construites. Je pense notamment à Vannevar Bush, l'un des scientifiques américains les plus influents. C'est également le père de la Fondation scientifique nationale et il était le vice-président de l'Institut de technologie du Massachusetts. Il a travaillé depuis les années 1930 sur des appareils de récupération des données et il a notamment été financé par le FBI pour ce faire, car certains des appareils qu'il élaborait permettaient de récupérer les données au sujet des empreintes digitales et donc de participer aux enquêtes criminelles. Il a également tenté d'élaborer des machines permettant de décoder les messages allemands et de coder les messages américains. Mais certaines de ces machines, certains de ces appareils qu'il voulait élaborer, certains n'ont pas été construits et certains ne fonctionnaient pas. Donc c'est l'un des exemples que l'on peut citer lorsque l'on parle de ces attentes élevées qui ont été nourries au sujet des microfilms. Autre exemple, la façon dont moi je suis entrée dans ce domaine des centres de données mondiaux et dans la pratique de la géophysique. Je m'y suis intéressée parce que j'ai compris que la plupart de l'immense volume des données existantes n'avait pas été utilisée et ne l'était toujours pas aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement du fait que ces données sont enterrées sous une masse d'archives, mais en fait, certaines de ces données ont complètement disparu avec la disparition des microfilms au profit des ordinateurs. En effet, les microfilms prenaient trop de place et puis ça prenait trop de temps de numériser toutes ces données. Donc, on voit bien que ces aspirations, ces attentes ont entraîné une accumulation des données qui, elle-même, a généré des données qui n'ont même pas été utilisées. Et l'investissement économique n'a donc pas payé en termes de production, de connaissances et de données. Voilà un des exemples, l'une des leçons que l'on peut tirer de l'histoire à ce sujet. Merci à nos trois invités de leur participation à cette semaine d'Histoire vivante, Elena Aronova et Bernard Rova, physiciens et historiens des sciences, et à Coralie Tripier pour la traduction. Demain, scoop, une avant-première, une exclue dont Histoire vivante n'est pas peu fière, le président des éditions du Seuil viendra nous parler d'un livre, une bombe, les mémoires d'Edward Snowden.